Jésus-Christ, le plus grand dérangeur du monde. Je crois qu'il faut qu'on parle de ce sujet-là. C'est un troubleur, celui-là, c'est Jésus. On va en parler. Vous voyez, voici une femme mariée. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir frère, bonsoir. Comment va respect... J'adore tout le monde. Merci. Comment vont respectivement Alexia, Gabi et Emmanuel? Ils vont bien pour la grâce de Dieu. Et Ils comment vont très bien, merci. vont leurs charmants papas? Remarquez bien, j'ai pas dit leur adorable papa par extension du français. Il va bien. Tu Il va très bien. Merci lui frère. diras que Merci. son ami du Cameroun, son grand ami, le frère Junior, le salue grandement. Je le lui dirai, Et je tu le lui lui dis, dirai, mon et tu lui dis, frère, et tu pas lui de dis, souci. sans enlever de mots, que je l'aime, mais le Seigneur Jésus-Christ l'aime davantage. D'accord? Oui, amen, amen, amen, je lui dirai. Il a des espérances, il commence à avoir des espérances avec le Seigneur. Le Seigneur est en train d'appeler. D'accord? Amen. Ah, mon C'est à frère, toi, tu as ici, dans touché un quelque ami. chose là. Comment, ma soeur? Tu as touché quelque chose. C'est quoi ça? Ah, ce que tu viens de dire, mon frère. Il ne touche plus Mon alors. mari. Il ne touche plus alors, n'est-ce pas? Il ne touche plus alors, ma soeur. Allô, ma soeur. Oui, mon Tu frère. ne veux plus qu'il touche à ton mari ou quoi? C'est touche pas à mon mari, que quoi? Ah non, non, non, non, non, non, au contraire. Ah, je crois que tu étais choqué. Je crois que tu étais choqué du fait que je Je parle de lui. disais qu'il se passait des choses, effectivement. Oui, Il se raconte-nous. passait des choses. Raconte-nous, c'est privé ou bien c'est tu peux partager avec nous? Non, non, non, c'est pas privé, pas du tout. Au contraire, pour la gloire du Seigneur, ce sont des témoignages, quoi. C'est merveilleux ce que c'est. En fait, Avant j'ai que tu ne beaucoup de parles, choses. la semaine dernière, je ne sais pas quand, c'est à toi que j'ai parlé, que j'ai vu ton mari, je sens de le voir quitter la fonction. C'est à toi que j'ai dit ça, ou bien c'était en privé, ou c'était en privé, ou bien c'était Non, non, c'était bien à moi, mon frère. C'était à moi. c'était en privé, si c'est en privé, on parle en privé, c'était public ici. C'était public, oui. C'était public et en privé également. Ok, donc je dis, je l'ai vu. Il a de quitter la fonction là, cette tâche, il l'a vu changer. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Il va rencontrer Il a Jésus. Il va changé. Il... rencontrer Jésus sur son chemin. D'accord? Il va rencontrer Jésus cette fois-ci sur son Le chemin. Seigneur me l'a. Le Seigneur m'a montré des choses en songe. Oui, le Seigneur m'a montré des choses merveilleuses dans mon songe, vraiment. Je rends grâce au Seigneur, quoi. Tout simplement, et j'attends qu'il agisse sur mon mari, en fait. Il J'espère que s'est tu n'as pas. avéré que. J'espère. Attends d'abord. J'espère que tu ne lui as pas dit que je t'ai dit qu'il allait quitter le travail. Tu lui as dit ça? Lendemain matin, j'étais tellement sur l'excitation que je. Enfin. Donc tu lui as dit tu es allé me vendre alors chez lui alors maintenant. Il m'a dit c'est ton junior là, il parle. Tu lui as dit ça? Non, non, je lui ai tout simplement dit que tu sais, hier, le frère Junior m'a dit il te voyait quitter ton travail. Quelle était sa réaction? Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu lui avais déjà dit? J'ai dit, non, je lui ai jamais dit. Il me dit, mais arrête, tu lui as dit. J'ai dit, mais non, je n'ai jamais dit ça. L'excitation, comme tu as dit, ne va pas ce matin, lui dit que tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin. Qu'il a dit qu'il va rencontrer Jésus, d'accord? Non, non, ça, je ne le dis pas, mon frère. Je ne le dis pas. Ok. Je dis simplement les choses qui. Ouais, par exemple, ça, je lui dis enfin, qu'il se remette en question, quoi. Qu'il voit bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, non, non, non, il y a des choses que je ne lui dis pas, hein, mon frère. Je ne lui dis Ok. pas tout. Hein. Alors, tu as la parole. Dis-nous, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Garde bien les choses qui sont privées, privées, les choses qui sont publiques, publiques, d'accord? D'accord. Je ne sais même pas pourquoi il s'est allé vers toi comme ça. Il voulait aller vers quelqu'un ici. Et puis là, c'est glissé vers toi, c'est qui? Myriam. Est-ce que Myriam, elle m'entend? Non, allons-y, parle, ma soeur.